Deuxième livre de Samuel, chapitre 3. Or il y eut une longue guerre entre la maison de Saül, et la maison de David. Mais David s'avançait et se fortifiait, et la maison de Saül allait en diminuant. Et il naquit à David des fils à Hébron, son premier-né fut Amnon, d'Aïnoam, qui était de Jisréel. Le second fut Kileb, d'Abigal, qui avait été femme de Nabal, lequel était de Carmel. Le troisième fut Absalom, fils de Maaca, fille de Talmaï, roi de Gazur. Le quatrième fut Adonija, fils d'Agjit. Le cinquième fut Sephadja, fils d'Abital. Et le sixième fut Jitrem, d'Egla, qui était aussi femme de David. Ceci naquira David à Hébron. Il arriva donc que pendant qu'il y eut guerre entre la maison de Saül et la maison de David, Abné soutenait la maison de Saül. Or Saül avait eu une concubine nommée Ritzpa, fille d'Aja, et Isbosheth dit à Abné, « Pourquoi es-tu venu vers la concubine de mon père ?» Et Abné fut fort irrité à cause du discours d'Isbosheth, et il lui dit, « Suis-je une tête de chien, moi qui ai fait paraître en ce temps-ci, contre Judas mon attachement pour la maison de Saül ton père et pour ses frères, et ses amis, en ne te faisant point tomber entre les mains de David, que tu me recherches aujourd'hui pour l'iniquité d'une femme ?» Que Dieu fasse ainsi à Abné, et ainsi il y ajoute, « Si je ne fais à David selon ce que l'Éternel lui a juré, en lui transportant le royaume de la maison de Saül, et en établissant le trône de David sur Israël et sur Juda, depuis Dan jusqu'à Beer-Séba. » Et Isbosheth n'osa répondre un seul mot à Abné, à cause qu'il le craignait. Abné donc envoya des messagers à David de sa part, pour lui dire, à qui est le pays, et pour lui dire, fais accord avec moi, et voici ma main sera avec toi, pour réduire sous ton pouvoir tout Israël. Et David répondit, je le veux bien, je ferai accord avec toi, je te demande seulement une chose, c'est que tu ne verras point ma face, si premièrement tu ne me ramènes Michal fille de Saül, quand tu viendras me voir. Alors David envoya des messagers à Isbosheth fils de Saül, pour lui dire, rends-moi ma femme Michal, que j'ai épousée pour 100 prépuces des Philistins. Et Isbosheth envoya, et l'ôta à son mari Paltiel fils de Laï. Et son mari s'en alla avec elle pleurant continuellement après elle, jusqu'à Bahurim, et Abné lui dit, va, et t'en retourne, et il s'en retourna. Or Abné parla aux anciens d'Israël, et leur dit, vous cherchez autrefois David pour l'établir roi sur vous. Maintenant donc faites-le, car l'Éternel a parlé de David, et a dit, par le moyen de David mon serviteur, je délivrerai mon peuple d'Israël de la main des Philistins, et de la main de tous leurs ennemis. Et Abné parla de même à ceux de Benjamin, eux l'entendant, puis il s'en alla pour faire entendre expressément à David, qui était à Hébron, ce qui semblait bon à Israël, et à toute la maison de Benjamin. Et Abné vint vers David à Hébron, et 20 hommes avec lui, et David fit un festin à Abné, et aux hommes qui étaient avec lui. Puis Abné dit à David, « Je me lèverai, et je m'en irai assembler tout Israël, afin qu'il se rende au roi mon Seigneur, et qu'il traite alliance avec toi, et tu régneras comme ton âme le souhaite. » Et David renvoya Abné, qui s'en alla en paix. Or voici, les gens de David revenaient avec Joab, de faire quelques courses, et ils amenaient avec eux un grand butin, mais Abné n'était plus avec David à Hébron, car il l'avait renvoyé, et il s'en était allé en paix. Joab donc, et toute l'armée qui était avec lui, revint, et on fit ce rapport à Joab, en disant, Abné fils de Ner est venu vers le roi, qu'il a renvoyé, et il s'en est allé en paix. Et Joab vint au roi, et dit, qu'as-tu fait? Voici, Abné est venu vers toi, pourquoi l'as-tu ainsi renvoyé, tellement qu'il s'en soit allé son chemin? Tu sais bien qu'Abné fils de Ner est venu pour te tromper, pour reconnaître ta sortie et ton entrée, et savoir tout ce que tu fais. Et Joab sortit d'auprès de David, et envoya après Abné des gens, qui le ramenèrent de la fosse de Sira, sans que David en sût rien. Abné donc étant retourné à Hébron, Joab le tira à part au-dedans de la porte pour lui parler en secret, et il le frappa là à la cinquième côte, et ainsi Abné mourut à cause du sang de Hazael frère de Joab. Et David ayant appris ce qui était arrivé, dit, « Je suis innocent, moi et mon royaume, devant l'Éternel à jamais, du sang d'Abné fils de Ner. » Que ce sang s'arrête sur la tête de Joab, et sur toute la maison de son père, et que la maison de Joab ne soit jamais sans quelque homme ayant un flux, ou ayant la lèpre, ou s'appuyant sur un bâton, ou tombant par l'épée, ou ayant 10 aides de pain. Ainsi Joab et Abisaï son frère tuèrent Abné, parce qu'il avait tué Azaël, leur frère près de Gabaon en la bataille. Et David dit à Joab, et à tout le peuple qui était avec lui, déchirez vos vêtements, et couvrez-vous de sacs, et menez deuil en marchant devant Abné. Et le roi David marchait après le cercueil. Et quand ils eurent enseveli Abné à Hébron, le roi éleva sa voix, et pleura près du sépulcre d'Abné, tout le peuple aussi pleura. Et le roi fit une complainte sur Abné, et dit, Abné est-il mort comme meurt un lâche? Tes mains n'étaient point liées, et tes pieds n'avaient point été mis dans des sèves d'airain, mais tu es tombé comme on tombe devant les méchants, et tout le peuple recommença à pleurer sur lui. Puis tout le peuple vint pour faire prendre quelque nourriture à David, pendant qu'il était encore jour, mais David jura, et dit, que Dieu me fasse ainsi, et ainsi il y ajoute, si avant le soleil couché je goûte du pain, ni aucune autre chose. Et tout le peuple l'entendit, et le trouva bon, et tout le peuple approuva tout ce que le roi fit. En ce jour-là donc tout le peuple, et tout Israël connut que ce qu'on avait fait mourir Abné fils de Ner, n'était point venu du roi. Et le roi dit à ses serviteurs, « Ne savez-vous pas qu'un capitaine, et même un grand capitaine, a été aujourd'hui mis à mort en Israël? Or je suis encore faible aujourd'hui, bien que j'ai été oint roi, et ces gens, les fils de Tseruja, sont trop forts pour moi. L'Éternel veuille rendre à celui qui fait le mal selon sa malice.